ciel et sèche les gouttes de sang. Adieu Tonio. Une vieille petite et maigre a posé la main sur son front en marmonnant une prière où se mêlent quelques jurons. Adieu Tonio. Les hommes viennent et puis s'arrêtent en faisant le signe de croix. Ils ont un regard ou un geste, Tonio ne les voit plus déjà. Il fait chaud, il fait chaud, adieu Tonio. La vieille a fini sa prière et sa main ne tremblera pas. Elle fermera les paupières de son fils et puis s'en ira. Adieu Tonio. La balle a traversé la tête, dans la foule quelqu'un dira en patois de Caltanissetta que Tonio ne se méfie pas. Adieu Tonio. On parle de tout, d'Amérique, de mafia et puis de Pietro, parti hier pour le Mexique. Les hommes ont remis leur chapeau. Et il fait chaud, et il fait chaud, adieu Tonio. Ils sont partis vers le village de leur palourde sicilienne. Il reste une fille sans âge tenant un enfant par la main, un enfant brun. Il regarde longtemps son père et ne dit rien, ne pleure pas. Mais son regard n'est plus le même et sa mère a compris déjà. Compris déjà qu'il vient de faire une promesse et qu'il la quittera bientôt. Il a 12 ans, 13 ans peut-être, mais tu seras vengé, Tonio. Il fait chaud, il fait chaud, adieu Tonio, adieu Tonio.